Unité 10, 4A. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous partons au soleil. Nous avons le plaisir d'accueillir Annie Picot, directrice de l'association La Martinique à Lyon, pour nous parler de son nouveau livre, Ma Martinique, souvenirs d'enfance. Annie, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous de m'avoir invitée. Alors, avant de nous présenter votre dernier ouvrage, un peu d'histoire? Oui, bien sûr. Alors, Christophe Colomb débarque en Martinique en 1502. L'île est peuplée depuis peu de temps et on suppose que son nom veut dire l'île aux fleurs ou l'île aux femmes en Indien Caraïbe. Pendant 2 siècles, elle est successivement hollandaise, anglaise et française depuis le XVIIe siècle. L'esclavage y est définitivement aboli en 1848 et elle devient un département d'outre-mer en 1946. Une île volcanique, n'est-ce pas ? Tout à fait. La montagne Pelée est un volcan encore actif. Cela fait plus de 80 ans qu'il n'y a pas eu d'éruption. La dernière date de 1929, mais on se souvient surtout de celle de 1902, qui restera pour toujours dans la mémoire de l'île. Elle a fait environ 30 000 morts. Et la langue officielle est bien le français ? Oui, mais le créole est très présent dans la vie de tous les jours. C'est très souvent la langue de la famille, et depuis 2011, il est enseigné à l'école. Venons-en maintenant à votre livre.